La préoccupation concernant le coronavirus éclipse la vaccination obligatoire. Hello, Miranda. Bonjour à tous, c'est de nouveau moi, Judith. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu mes présentations privées, je vous emmène toujours dans la nature avec les moutons et les chèvres parce que je vis dans une ferme. Actuellement, du moins je le pense, la situation du coronavirus nous affecte tous plus ou moins. Aucun de nous ne sait comment ça va évoluer, mais on peut très bien imaginer qu'une vaccination correspondante pourrait bientôt être disponible. Des vaccins sont déjà disponibles pour presque toutes les maladies virales et en Allemagne, il y a même depuis mars 2020 une vaccination obligatoire contre la rougeole. Mais il y a de nombreuses personnes qui critiquent le sujet des vaccinations. Le 21 mars, une grande manifestation avait été prévue à Munich avec pour thème « Manifestation pour une décision de vaccination libre ». Cette manifestation a été annulée à cause du virus corona. Cela aurait été un très grand rassemblement. Cela signifie que ce sujet travaille l'esprit des gens et ils ont voulu exprimer leurs préoccupations. Nous sommes contre la vaccination obligatoire et nous voulons décider nous-mêmes si nous voulons être vaccinés ou non. C'est pourquoi ma contribution d'aujourd'hui éclaire le sujet des vaccinations, des effets collatéraux et des risques. Parce que, comme je l'ai dit, nous ne savons pas comment cela va continuer. Mais il est certainement bien de se confronter à l'avance avec ce sujet des vaccinations pour mieux être orienté et pour que tout à coup on ne soit pas stressé. Parce que la peur associée à l'ignorance n'est pas bonne conseillère. Alors, quelle est la sécurité des vaccins dans le cas des vaccins déjà utilisés? En tout cas, on constate un nombre croissant de décès dans le monde entier après que des enfants ont été vaccinés. Mais des maladies telles que l'autisme, les maladies auto-immunes, les handicaps physiques et mentaux et bien d'autres sont également associées aux vaccinations. Si un nombre croissant de rapports indique qu'un vaccin est nocif, il est généralement retiré du marché pendant une courte période. Mais après un certain temps, sans avoir été modifié, il est souvent déclaré comme sûr et réutilisé. Parfois, des virus sont même créés, prétendument à des fins de recherche. Mais si ces virus ont été libérés, par quelque voie que ce soit, une entreprise pharmaceutique est généralement déjà prête à faire des recherches sur un vaccin, ou peut même déjà en proposer un. Le secteur de la vaccination est particulièrement lucratif pour l'industrie pharmaceutique. Mais les conséquences dévastatrices ne sont pas suffisamment prises en compte ni par l'industrie, ni par ses organes de contrôle. Nombre de vaccinations passées et présentes. Dans un communiqué de la Commission permanente de la vaccination STIKO en abrégé de l'Institut Robert Koch, il est indiqué: c'est une tâche médicale importante que d'assurer une protection vaccinale adéquate des personnes soignées. Cela signifie qu'il faut commencer la vaccination de base des nourrissons et des jeunes enfants à un stade précoce, l'effectuer sans retard et le terminer à temps avant leur deuxième anniversaire. Le nombre de vaccinations recommandées a considérablement changé ces dernières années. Pour un enfant né en Allemagne en 1983, 14 vaccinations jusqu'à l'âge de 15 ans étaient recommandées. En 2013, il y avait déjà 40 vaccinations jusqu'à l'âge de 2 ans et 59 vaccinations recommandées jusqu'à l'âge de 15 ans. Si une personne née en Allemagne aujourd'hui devait avoir 80 ans et recevoir toutes les vaccinations recommandées, elle en recevrait 150 au cours de sa vie. Mais les gens sont-ils vraiment en meilleure santé depuis 1983? Des décès dus à la vaccination ou une simple coïncidence? En 2011, il y a eu un grand nombre de rapports selon lesquels les vaccins conçus pour protéger contre la méningite et la pneumonie ont eu des effets dévastateurs au Japon. Après le décès de 4 enfants peu après une vaccination combinée, le ministère de la Santé a suspendu l'utilisation des produits Prevenar et Actib des multinationales Pfizer et Sanofi Aventis. Étant donné que dans une vaccination combinée, différents vaccins sont administrés avec leur additif, les interactions sur le corps humain ne sont pas du tout prévisibles. Les vaccins sont donc beaucoup plus dangereux lorsqu'ils sont combinés plutôt qu'administrés les uns après les autres. Bien que des cas similaires se sont produits aux Pays-Bas en 2009, le ministère japonais a annoncé après quelques jours seulement que les décès n'étaient pas liés au vaccin et que ceux-ci pourraient de nouveau être utilisés. S'agissait-il de simples coïncidences? Combien de telles coïncidences faudra-t-il encore avant que tout le monde puisse y voir un lien? La directrice générale adjointe de l'OMS lâche une bombe au sujet des vaccins. Un congrès sur la sécurité des vaccins s'est tenu à Genève les 2 et 3 décembre 2019. Sur une vidéo de cet événement qui a fuité dans le public, la directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale de la santé, la doctoresse Soumaya Swaminathan, décrit les vaccins comme dangereux et dit qu'ils peuvent tuer des gens. Elle a déclaré : On devrait pouvoir donner un compte-rendu très factuel de ce qui se passe exactement et de la cause des décès. Mais dans la plupart des cas, il y a une certaine opacité à ce niveau et donc une confiance de moins en moins grande dans le système. Quelques jours auparavant, elle avait publiquement assuré que les vaccins étaient l'outil le plus sûr de l'humanité. L'aveu de la scientifique soulève la question suivante. Si les vaccins peuvent tuer des gens, et si même l'OMS le sait, pourquoi sont-ils encore présentés comme sûrs? Lorsque l'on entend ça, on peut supposer que les gens sont dupés lorsque le lobby pharmaceutique prétend que les préparations des fabricants de vaccins sont sûres et efficaces. Robert F. Kennedy Jr. a fait la déclaration suivante en septembre 2019. Nous luttons contre une industrie pharmaceutique qui semble être superpuissante et dont les intérêts de profit sont placés dans le monde entier au-dessus des intérêts de santé des gens. Elle gagne 50 milliards de dollars en vendant des vaccins. Et elle gagne 500 milliards de dollars en vendant les médicaments pour les maladies qui en résultent. Nous ne savons pas comment tout cela va évoluer. Mais la décision de se faire vacciner ou non doit rester volontaire. Je n'arrête pas d'entendre l'argument suivant. Si tu ne te fais pas vacciner, ce sera de ta faute si la rougeole, par exemple, ne pourra jamais être éradiquée. Peut-être que les gens entendront des choses similaires sur le coronavirus. Mais si c'est le cas, je comprends encore moins l'intérêt des vaccins. Parce que les personnes vaccinées sont censées être protégées. Si les autres ne veulent pas être vaccinés, pourquoi cela les concerne-t-il? Puisque de toute façon, vous êtes protégés, ou bien ne l'êtes-vous pas? Eh bien, je ne suis ni médecin ni virologue, mais j'ai à cœur la liberté de choix des gens. Et c'est pourquoi je recommande à tous de s'intéresser au sujet des vaccinations avant qu'il ne soit trop tard. Chacun doit garder le droit de décider librement d'accepter ou non l'offre d'une vaccination. Et le coronavirus ne doit pas être une exception. En tout cas, je nous souhaite le meilleur pour l'année 2020. Au revoir et à la prochaine fois.